Bonjour. Dernièrement, j'ai décidé que je ferais une vidéo parce que j'ai regardé, j'ai observé ce qui se passe en ce moment. Puis, il y aurait certaines choses à dire. J'ai rien à redire sur ce que j'aurais pu dire en entrevue dans la dernière année. Malheureusement, je vois encore les mêmes choses. Maintenant qu'aux États-Unis, il y a certaines choses qui se sont pas réalisées. J'étais très tiède à propos de ça aussi, mais finalement, c'est bon. Ça, j'espère que ça va pouvoir permettre à faire en sorte que les gens vont plus observer ce qui se passe chez eux, dans leur pays, au lieu de penser que quelque chose qui vient d'ailleurs, de transnational, pourrait régler le problème ou leur problème, de se concentrer sur ce qui se passe chez eux, d'observer plus ce qui se passe. Chacun chez soi, en même temps, on peut observer ce qui se passe ailleurs. Mais de ne pas avoir d'espoir que des solutions transnationales, si on peut dire. OK? Il y a les masques qui sont devenus obligatoires aux primaires. Bon. Ça, moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que si les parents contestent d'une façon qui n'est pas. Très subtile, très intelligente, ça peut servir de prétexte au gouvernement pour contre-attaquer d'une façon qui serait peut-être très dommageable pour l'enfant encore plus. C'est-à-dire que au Québec, l'instruction est obligatoire jusqu'à 14 ans. Donc, le gouvernement, si vous refusez d'envoyer votre enfant à l'école, que vous n'avez pas la capacité de lui faire l'école à la maison, il y a des gens qui n'ont pas l'énergie ni le temps. Ben, le gouvernement peut dire l'enfant est lésé dans son droit d'être instruit. Et puis là, ça pourrait être transféré peut-être au département de la protection de la jeunesse. Donc, qui pourrait être question de retirer la garde de vos enfants sous prétexte de les protéger de milieux qui ont des croyances sectaires ou complotistes ou de fanatiques religieux. Il y a quelque chose d'impossible. Problème à ce niveau-là. Donc, il faut que ce soit très, très concret. Si vous contestez, il faut que ce soit fait avec un avocat, avec possiblement des témoignages d'experts. Ceux qui ont les moyens, vous aurez de la facilité à trouver des pédiatres qui vont vouloir témoigner en cours comme experts pour dire qu'il y a un dommage. Et puis là, si finalement ça peut faire jurisprudence, les parents qui ont plus les moyens pourraient comme ça aider d'autres parents. Parce que au niveau là, des marches où vous avez vu, là, ça donne pas grand-chose. Mais dans le sens que M. Legault, il continue à faire comme il faisait. C'est comme un père des années 50. Il s'assoit dans son fauteuil, puis il regarde les gens, puis là, il dit, ça me fait beaucoup de peine que des enfants puissent pas aller à l'école, avoir leur droit à l'instruction, parce qu'il y a des parents qui pensent pas comme on voudrait. Veulent contester le fait qu'il y a des masques en tout temps à l'école. Puis, c'est toujours sous prétexte de la science, que la même science qui fait que, au fond, si, au niveau empirique, il se pose à avoir une science en Angleterre, il n'y a pas les masques en classe à l'école en tout temps parce que, chez les plus jeunes, parce qu'on considère que c'est dommageable. Puis ici, on se réclame de la science pour l'appliquer, le rendre obligatoire. Donc, il y a aussi le fait que, par rapport à la science, là, ce gouvernement-là, je veux dire, on nous a dit que cette année, il n'y a pas de grippe qui circule au Québec. En 400 ans d'histoire, pour la première fois, il n'y a aucune grippe qui circule au Québec. Ça, c'est invraisemblable. On nous explique que oui, il y a une hausse des problèmes de maladies mentales, mais pour la première fois dans l'histoire d'une société, c'est pas accompagné d'une hausse du taux de suicide. Tout ça, c'est là, ces invraisemblances-là devraient, après un an, être plus visibles. On est là, M. Dubé nous parle de transparence. Puis, quand on nous dit, bon, aujourd'hui, il y a tant de nouveaux cas, puis tant de décès, il n'y a pas de statistiques sur l'âge, les cas, il n'y a pas de statistiques par rapport à combien, c'est quoi le pourcentage de ces gens-là qui sont malades, symptomatiques, ou donc qui. Non, on amène toujours ça. Puis là, c'était des morts ou d'après des cas, maintenant des variants. Après un an, moi jamais j'appellerai les gens à faire quoi que ce soit là, par rapport là, à désobéir aux institutions, ou j'en appellerai jamais non plus à de l'agressivité envers les institutions. Mais si vous regardez en France, ils retardent pour un troisième confinement. Pourquoi? Parce qu'en Hollande, en Italie, autour, possiblement qu'ils ont vu les émeutes, puis ça a fait reculer un peu ou ça a ralenti. C'est juste une constatation de voir qu'on dirait que c'est la seule chose qui permettrait de faire, de ralentir ou de faire reculer, parce que c'est d'une arrogance. C'est comme Mme Guilbeault, elle expliquait, je me rappelle, cet hiver, là, on pouvait même pas. Un journaliste avait demandé si, par exemple, un fumeur pouvait ouvrir sa porte pour fumer dehors devant sa porte, là, pendant le couvre-feu, puis elle avait dit que non, c'était pas permis. Ben, moi, je sortais dehors, comme toujours, puis il n'y a pas un policier qui serait assez stupide pour qui serait venu m'arrêter pour ça, d'être dehors devant ma porte. C'est tellement ridicule. L'autorité, ça doit être basé sur la légitimité. Puis la légitimité, ça doit être basé sur une crédibilité. Puis là, au niveau de l'information, les journalistes, le supposé quatrième pouvoir, pour ce qui est de la crédibilité, qui sont supposés couvrir le gouvernement, il faut eux aussi là qu'ils se montrent. Je veux dire, eux aussi, quelque part, on voit qu'il y a beaucoup d'invraisemblances, de choses qui démontrent que, bon, donc. L'affaire, c'est, il y en a qu'on dirait que leurs enfants, s'il y a le masque obligatoire à l'école, là, ils l'auront pas quelques jours, mais ils vont le prier avec le reste de l'année. Il faudrait vraiment des choses concrètes, qu'il y ait des témoignages d'experts sur le taux d'oxygénation dans le sang, puis ça va prendre des parents qui ont plus de moyens, qu'eux vont se prendre un avocat, puis le faire comme il faut, la démarche. Puis après ça, ça risque d'aider aussi. Ben aussi, j'appelais pas nécessairement d'autres gens. Mais pour ce qui est de la marche, Monsieur Legault, il est là qui a dit que ça lui fait de la peine. Puis là, ça fait de la peine de voir qu'il y a des. Mais ça lui fait pas de peine de voir des enfants. Des masques de procédure, comme pour des chirurgiens, c'est invraisemblable d'en faire au niveau de la taille d'un enfant. C'est complètement ridicule, c'est n'importe quoi. Moi, personnellement, ça n'engage que moi, mais après un an, ces gens-là, non. Bon, ben, toutefois, j'ai pas jamais eu vraiment de dire qu'ils avaient de la crédibilité tant que ça. Puis, je suis un peu venu au monde dans un monde où on peut pas accorder beaucoup de crédibilité à quoi que ce soit. Ça, c'est mon opinion. Mais après un an, je suis déçu de voir que les Canadiens français, comme je le pensais, c'est plus long qu'ailleurs. Qu'il y a certains phénomènes sociologiques qui. En plus, on est plus dur avec les Canadiens français au Canada. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi, selon les études, au Québec, c'est un des endroits où on suit le plus scrupuleusement les règles, c'est un des endroits où les règles sont les plus strictes, et c'est un des endroits où le bilan est le pire. Puis après, on nous dit, ah, oh, grâce à nos actions, puis ça, on a pu sauver. Puis à chaque fois que la situation s'améliore, c'est là qu'il y a des règles drastiques. Non, il y a des invraisemblances, mais une fois qu'on observe les invraisemblances, pourquoi il y a possiblement, qu'on essaie de trouver des mobiles de pourquoi il y a possibilité de se rendre compte qu'au fond, il y a pas, c'est très cohérent tout ce qui se passe. Donc, faites attention, parce qu'encore, ce que je voulais dire, là, le gros de ça, de cette vidéo-là, c'est faites attention de la façon dont vous défendez vos enfants, pour pas que l'État se serve de ça pour vous les enlever. C'est une négation du droit filial. Et depuis longtemps, ils ont mêlé la notion d'éducation avec l'instruction. L'État considère que c'est à lui d'élever vos enfants. Et ça, ils n'ont pas la légitimité pour, selon les résultats de tout depuis toujours. Moi, en tout cas, depuis que j'existe, c'est ce que je constate. que nous avons des écoles qui nous instruisent mal, qui nous désinstruisent au fond, qui ne donnent pas les outils pour avoir un sens critique réel, qui sont juste des usines de formatage. Nous avons des hôpitaux qui nous rendent malades, qui sont juste des systèmes publics qui servent à faire en sorte que le privé... laisser des gens dans le privé viennent voler l'argent des contribuables dans des contrats, c'est juste de la collusion. Donc des écoles qui rendent ignorants, puis des hôpitaux qui rendent malades, puis des médias qui désinforment, qui disent n'importe quoi, que dès ce matin, il y a des articles pour dire que les enfants s'adaptent bien au port du masque en tout temps. Ça fait pas deux semaines, ça fait pas deux mois, ça fait quelques jours. Et il y a des articles pour dire à quel point les enfants s'adaptent bien. Et oui, on ne peut pas parler d'adaptation sur une si courte période. Il est où l'objectivité empirique, scientifique ou même journalistique là-dedans? Il y a un journaliste que je lui avais fait dans mon coin, que je lui avais fait remarquer dernièrement certaines choses, puis il m'a réécrit en disant, ben lui, il n'a pas le temps de faire des recherches puis de regarder des tableaux comparatifs. Puis là, je parle par rapport à des finances dans une municipalité, que tout est archivé, tout est public. Puis que comme si enquêter, faire une enquête, regarder faire des comparaisons des choses disponibles en plus qu'on n'a pas. Ça, c'est plus le travail des journalistes. Donc, là, c'est rendu, là, vraiment, il y a du monde brillant au Québec, il y a du monde très intelligent au Québec. Puis, je pense que là, il y a un contexte qui vous crie après de parler, d'agir et de il y en a des gens brillants, vous le savez que vous êtes intelligent, vous le savez qu'il y a peut-être après un an possibilité d'être capable de dire ce que vous pensez d'une façon ajustée. Parce que peut-être que oui, le terrain est là. Parce que au niveau de la dynamique, de l'énergie, de tout ça, là, il y a une stase là. Puis c'est en train de devenir c'est une guerre d'usure, puis là, c'est de gagner du temps. Puis il faudrait commencer à être peut-être juste un peu plus sec dans le ton, mais d'une façon intelligente et subtile. Mais c'est facile, des gens qui vous disent qui se basent sur des invraisemblances, je veux dire, vous n'avez pas besoin de vous astiner, puis de vous chicaner, puis de vous diviser comme certains journalistes ils veulent diviser des familles sur l'opinion, ce n'est pas nécessaire. J'ai tout dit ce que je voulais dire, je pense. Peut-être même bon. Bon, ben, merci beaucoup. Au revoir.